franceinter.fr. Était-ce un simple coup de bluff ? N'ont-ils pas fait semblant d'être différents, et même de se concurrencer avec âpreté, que pour mieux se retrouver et afficher une union parfaite ? Je veux parler de ce tandem improbable que forment Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Le premier, dans l'impossibilité de se représenter, a fait du deuxième un président et s'est résolu à devenir son premier ministre. Mais les élections approchant, voilà soudain que Poutine se décide à intervertir les rôles. Je me présente à la présidence et tu seras mon premier ministre. Et Medvedev d'obéir comme le petit jeune homme sage qu'il a toujours été. Curieux jeu de bonneteau qui donne l'impression à tous les kremlinologues qui avaient cru à une véritable rivalité entre les deux hommes d'avoir été dupé. Mais n'est-il pas à l'image de cette Russie de moins en moins démocratique, où les services de sécurité omnipuissants n'oublient jamais qu'ils sont les héritiers du KGB ? Et comment pourrait-il en être autrement, puisque l'homme fort du pays est issu de ses rangs ? Une récente et dramatique affaire illustre cette évolution inquiétante sur fond de corruption galopante. Monsieur X ouvre le dossier Magnitsky. Sergueï Magnitsky, un jeune avocat russe, est devenu un personnage emblématique en Russie. Une pièce de théâtre lui a même été consacrée. Elle a fait salle comble à Moscou. Son titre, 1h18. C'est-à-dire le laps de temps pendant lequel le détenu Magnitsky, gravement malade, a été laissé seul et sans soins après avoir été tabassé par ses geôliers. Et il en est mort. 1h18, c'est donc le temps de son agonie. Oui, et le martyr Magnitsky est un symbole pour tous ceux qui, en Russie, luttent contre ce qu'ils appellent la kleptocratie. Ouais, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par les voleurs. Oui, c'est à peu près ça, oui. Mais des voleurs qui seraient en même temps des gendarmes, si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'exagérez pas un peu, là ? Ah bah pas du tout, vous allez le voir. Le déroulé de l'affaire Magnitsky est hallucinant. Alors, pour bien comprendre, il faut d'abord que je vous parle d'un personnage aussi brillant qu'ambitieux, William Browder. C'est le petit-fils de l'un des fondateurs du Parti communiste américain. Son grand-père a été candidat à l'élection présidentielle en 1936. Mais William, lui, bien qu'élevé dans une famille d'intellectuels de gauche, décide de se lancer dans le monde des affaires, après avoir obtenu un diplôme dans une université américaine. Il choisit le capitalisme, donc, hein ? Une provocation ? Bon, certainement. Il a d'ailleurs déclaré « Si mon grand-père a été le plus grand communiste américain, eh bien moi, je serai le plus grand homme d'affaires de l'Est. » Le petit-fils de bolchevique a donc tourné kazakh. Et il a jeté son dévolu sur l'ancien empire soviétique. Ah bah pour lui, c'est le nouvel Eldorado. Ouais, parce que tout est à reconstruire, c'est ça, non ? Et puis, il y a ces privatisations menées tambour battant par les hommes de Boris Yeltsin. Ouais. Et donc la possibilité d'édifier de formidables fortunes en un temps record. Et dès 1996, il a alors tout juste la trentaine, il s'installe à Moscou et crée, avec une mise de 25 millions de dollars avancée par le milliardaire Edmond Safra, un fonds destiné à placer des capitaux étrangers en Russie. Et ça marche tout de suite. Hermitage Capital Management, c'est le nom de ce fonds, rassemble en quelques mois 1 milliard de dollars. Puis, ce sera bientôt 4 milliards. Ouais, Browder a vu juste. Et il a incontestablement la bosse du capitalisme. Non, l'époque est dangereuse, hein. Et les différents commerciaux se règlent souvent à coups de Kalachnikov dans les rues de Moscou. Car la bagarre entre ceux qu'on commence à appeler les oligarques est féroce. Et d'ailleurs, Browder, d'une façon assez audacieuse, va prendre position. Il dénonce ces oligarques qui, en s'emparant des entreprises publiques, dépècent à leur profit l'économie russe. Mmh. Là, il prend des risques. Hein. Et il ne circule jamais à Moscou sans ses gardes du corps. Mmh. Mais en même temps, c'est très malin, souvenez-vous, nous en avons parlé. Dès que Poutine arrive au pouvoir, à la fin 1999, il va s'attaquer frontalement aux oligarques. Ils l'ont pourtant aidé à monter sur la première marche. Hein. Oui, mais tous ces gens qui ont amassé des fortunes colossales sont en même temps à la tête de véritables féodalités qui, à terme, pourraient menacer son pouvoir. C'est pourquoi il les oblige à rentrer dans le rang. Ceux qui n'acceptent pas sont condamnés à s'exiler, comme Berezovsky, par exemple, ou sont même jetés en prison, comme Khodorkovsky. Khodorkovsky qui avait aussi des visées politiques. Hein. Et ça, pour Poutine, c'est impardonnable. Donc, Poutine tolère les oligarques à condition qu'ils lui soient fidèles. Quoi. Et participe sous sa tutelle à la mise en coupe réglée de l'économie russe, oui. Pour lui, il y a donc les bons et les mauvais oligarques. Ouais, les bons étant ceux qu'ils soutiennent. Et peu importe qu'ils soient corrompus, les mauvais étant les autres, bien sûr. Par conséquent, en dénonçant les mauvais, Broder abonde dans le sens du président Poutine. Et il ne manque pas une occasion de dire qu'il approuve la politique de Poutine. Quand Khodorkovsky est arrêté, par exemple, Broder approuve. Et la sale guerre que l'État colonialiste russe conduit en Tchétchénie ne lui pose aucun problème de conscience. Cependant, Broder, aussi malin qu'il soit, finit par commettre une erreur, parce qu'il n'a pas su s'arrêter à temps. Et que voulez-vous dire là ? Eh bien, il a continué à dénoncer la corruption des oligarques, alors que certains d'entre eux, les soi-disant bons, avaient pactisé avec Poutine. Conséquence ? Un jour de 2005, de retour de Londres, il est refoulé à l'aéroport de Cheremetyevo. Son visa de séjour a été annulé. Ouais, j'imagine qu'il demande une explication. Ah, il l'obtiendra un peu plus tard. Il représente une menace pour la sécurité nationale russe. Un prétexte. Naturellement. Et que peut-il faire alors ? Oh, Broder n'est pas le genre d'homme à renoncer sans se battre. Alors d'abord, il tente de récupérer ses fonds placés en Russie et ensuite il mobilise ses avocats pour se défendre à Moscou même. Et c'est là où l'on va rencontrer Sergueï Magnitsky, l'un des juristes du fonds Hermitage Capital Management, qui, entre-temps, est devenu l'une des branches de la grande banque HSBC. Broder a donc récupéré sa mise. Il affirmera en tout cas n'avoir rien perdu. Mais il lui reste en Russie trois sociétés qui, de fait, sont contraintes à l'inactivité. Alors, lui et ses avocats se démènent pour éviter leur inéluctable fermeture. En janvier 2007, à l'occasion du forum de Davos, Broder demande même à Dimitri Medvedev, qui est alors vice-premier ministre, de pouvoir récupérer son visa. Mais il n'est pas entendu. Et un mois plus tard, n'est certainement pas une coïncidence, un certain Kuznetsov, lieutenant-colonel du ministère de l'Intérieur, contacte le siège des sociétés Hermitage à Moscou. Que veut-il ? Ben, il propose un arrangement pour parler poliment. Ouais, un arrangement, c'est-à-dire le versement d'un pot de vin. En échange de la remise du visa, solution que Broder refuse. Mais c'est le début d'un enchaînement qui va être fatal à l'avocat Magnitsky. Racontez alors. Quelques semaines se passent et le lieutenant-colonel Kuznetsov, membre de la police fiscale, réapparaît au siège des sociétés Hermitage et d'une firme juridique qui emploie aussi Magnitsky et s'occupe des affaires de Broder. Mais il n'est pas seul. 25 miliciens l'accompagnent. La scène est violente. Les employés présents sont passés à tabac, les bureaux sont perquisitionnés et les policiers se saisissent de tous les documents qu'ils trouvent. Et que cherchent-ils en vérité ? Bah, essentiellement les titres de propriété des sociétés, mais aussi les sceaux qui garantissent la réalité de ces documents. Et ils embarquent tout ? Exactement. Mais c'est du vol, ça. Incontestablement. Bah, la suite va le prouver. Car quelques mois plus tard, les sociétés de Broder vont changer de main. Elles appartiennent désormais à quelques complices de ces policiers qui ont opéré la descente chez Hermitage. Et parmi ces nouveaux propriétaires se trouve un certain Viktor Markelov, qui vient de purger 2 ans de prison pour homicide. Mais tout cela, l'avocat Magnitsky ne va le découvrir que peu à peu, pour son malheur. Illustration de la connivence entre les services de sécurité russes, les organes, comme on disait autrefois en URSS, et les milieux criminels dans cet extrait d'un article de Grégory Lecomte paru dans la revue Questions internationales en 2009. Avec l'arrivée de Vladimir Poutine, le crime organisé perd en visibilité. Les médias contrôlés plus étroitement par le pouvoir qu'à l'époque de Boris Yeltsin donnent moins d'écho aux assassinats ou crimes économiques. De lourds soupçons pèsent sur les services de sécurité successeurs du KGB, bien que les preuves fassent défaut. Réputés pour leur pouvoir de l'ombre, héritiers d'une longue tradition en matière de criminalité financière et berceau d'une partie de l'élite du pouvoir actuel, Poutine, Sechin, Tchemezov, Ivanov, les services de sécurité sont suspectés d'abriter de vastes réseaux criminels concurrents dont les activités couvriraient notamment l'extorsion, le détournement de fonds publics, l'abus de biens sociaux au sein des entreprises d'État, parmi lesquelles Gazprom ou Rosneft, ou encore le placement à l'étranger des capitaux frauduleusement acquis. La criminalité organisée semblerait désormais mise sous couvercle par la nouvelle élite au pouvoir. Rendez-vous avec X. Sergueï Magnitsky est donc particulièrement chargé par son employeur, Hermitage Capital Management, de débrouiller cette affaire de vol. Oui, afin que Browder récupère son bien. Oui, même si le milliardaire n'y croit pas trop. L'avocat Magnitsky consacre donc 10 mois de sa vie à enquêter. Et il va de surprise en surprise. Enfin, là, je vais vite. Hein. En fait, ce qu'il découvre, c'est que le vol des sociétés d'Hermitage ressort d'un vaste complot où sont impliqués non seulement des policiers, mais aussi des juges et des fonctionnaires des impôts. Et surtout, il met en lumière le fait que la finalité de cette opération criminelle était une escroquerie commise aux dépens de l'État russe. Une machination assez diabolique. Expliquez alors. Premier acte. Les sociétés changent de main, avec la complicité de magistrats qui ont avalisé le vol. Deuxième acte. Les nouveaux propriétaires s'adressent aux services fiscaux. Ils font valoir que les 3 sociétés n'étaient pas bénéficiaires, contrairement à ce qu'avaient affirmé les anciens possesseurs. Elles auraient même perdu 1 milliard de dollars. Par conséquent, elles ont payé des impôts qu'elles n'auraient jamais dû acquitter. Et elles demandent à être remboursées. Évidemment. Et il y en a pour la coquette somme de 230 millions de dollars. Et attendez, l'administration fiscale n'y voit pas malice. Eh bien non, non, ce qui signifie bien sûr que certains fonctionnaires sont complices. En tout cas, tout va très vite. En 48 heures, l'affaire est réglée. Le 24 décembre 2007, le fisc donne son accord pour le remboursement. Et le 26, la somme est versée sur le compte d'une banque de Moscou. Mais elle y reste peu de temps. Hein. Les millions de dollars prennent rapidement le chemin de comptes ouverts dans des paradis fiscaux. Première conclusion de Magnitsky. Le déblocage d'une somme aussi importante n'a pu avoir lieu sans l'accord de personnages très haut placés. Oui, ça me semble clair. Hein. Reste encore à l'établir, ce qui sera forcément compliqué. Enfin, ce qui est par contre plus évident, c'est que tous les personnages mêlés à l'affaire, policiers, magistrats et fonctionnaires, ont connu une soudaine élévation de leur train de vie. Certains ont acheté de luxueuses automobiles, d'autres ont acquis des appartements ou de magnifiques propriétés à Dubaï ou Monaco. Et bien sûr, ces achats ont été effectués par leurs épouses. Ah oui, bon, pour brouiller les pistes. Et que fait Magnitsky alors? En juillet 2008, pensant avoir réuni suffisamment d'indices, l'avocat dépose une plainte. Et en même temps, les dirigeants d'Hermitage Capital Management, filiale, je vous le rappelle, de la puissante banque britannique HSBC, frappent à toutes les portes, y compris au sommet de l'État russe. Mmh, directement au Kremlin, donc. Alors, résultat? Rien. Et la plainte déposée par Magnitsky? L'avocat est entendu par la justice en octobre 2008, et fort du dossier qu'il a patiemment confectionné, il met en cause les 2 officiers qui ont conduit la perquisition dans les locaux d'Hermitage. Le lieutenant-colonel Kuznetsov et son adjoint, le major Pavel Karpov. Et il les accuse d'avoir fait main basse sur les titres de propriété. Et d'avoir ensuite été parmi les bénéficiaires de la gigantesque fraude au fisc qui s'en est suivie. Oui. Magnitsky est-il alors conscient qu'il prend de considérables risques? Certainement, car il a reçu des menaces. Des menaces si réelles que 6 sur 7 des avocats internationaux qui travaillent avec lui sur cette affaire ont préféré quitter la Russie. Oui, mais pas Magnitsky. Non, non, il est sûr de son bon droit, tant il est certain de disposer de preuves accablantes contre les 2 policiers. Et puis, il n'a nulle intention de quitter son pays. Et ça veut dire qu'il a encore confiance dans la justice russe? Oui, Magnitsky est avant tout un légaliste. Mais en novembre, 1 mois après avoir été entendu par le tribunal de Moscou, il est arrêté. Sous quel motif ? À son tour, il est accusé de fraude fiscale par ces mêmes hommes qu'il a mis en cause en déposant plainte. Quoi, ce Kouznetsov ? Et son adjoint Karpov, ouais. Oui. On le soupçonne donc d'avoir soustrait 15 millions de dollars au fisc. Mais c'est une accusation bidon. Bien entendu. Mais ça permet de le garder en détention préventive. Non, sans l'avoir préalablement battu d'importance. Et cette détention se passe dans les pires conditions. Dans sa première cellule, il est enfermé avec 4 autres prisonniers. Il y a si peu d'espace que pour se déplacer, les détenus doivent se marcher dessus. Dans une seconde cellule, les toilettes débordent. Mmh. Et que cherche-t-on alors ? Bon, il est évident qu'on veut le faire craquer afin qu'il retire sa plainte et qu'il se désolidarise de William Broder. Mmh. C'est une forme de chantage ? Ah, exactement. Mais Menitsky ne cède pas. Pourtant, sa détention devient de plus en plus pénible. Il est par exemple transféré dans la pire prison de Moscou, Boutyrka, où les cellules vétustes sont dépourvues de fenêtres. Malgré le froid russe. Oui, mais rien ne peut contraindre Magnitsky à retirer sa plainte. Et pourtant, assez rapidement, il est tombé gravement malade. De quoi souffre-t-il ? D'une forme de pancréatite. Un mal qui exigeait un traitement immédiat, puis une opération chirurgicale. Mais tous les soins lui ont été refusés. Et si on l'a justement transféré à Boutyrka, c'est que cette vieille prison ne dispose pas d'équipement médical. Impossible de soigner, donc. Alors même qu'il souffre de plus en plus et se tord de douleur sur le grabat de sa cellule. Ouais. Mais ce refus de soins, là, bah, ça s'apparente à une tentative d'assassinat ? Ah bah, c'est ce que pensent ses proches, en effet. Quoi qu'il en soit, au fond de sa cellule, Magnitsky continue à se battre. Il écrit à ses juges, il dénonce ses conditions d'enfermement et il trouve même la force de rédiger un long mémoire destiné au procureur de la Fédération de Russie. Mais ses efforts sont vains, bien au contraire. Ces tortionnaires accroissent leur pression et augmentent donc ses souffrances. En novembre 2009, alors qu'il est déjà enfermé depuis 11 mois, il comparaît enfin devant un juge. Et il compte bien en profiter pour plaider sa cause. Ce qu'il peut faire ? Oui, Magnitsky a méticuleusement préparé cette audience. « Je suis un otage, dit-il, l'otage des intérêts des personnes qui ont volé Hermitage et le budget de l'État. » Et il ajoute que sa détention n'a rien à voir avec la justice. On le punit pour avoir défendu son employeur, mais aussi les intérêts de l'État. Mais est-ce que le magistrat là, qui le reçoit est sensible à cette plaidoirie ? Pas du tout. Il reconduit au contraire son placement en détention. Magnitsky n'a plus que 4 jours à vivre. Rendez-vous avec X tous les samedis à 13h30 sur France Inter. Marie Jégot est la correspondante du Monde à Moscou. En janvier 2011, elle s'est intéressée à la prison de la Boutyrka. Extrait de son reportage. Au début de son séjour à la Boutyrka, Magnitsky avait été installé dans une cellule courant d'air. Lorsqu'il se plaignit, l'administration pénitentiaire le transféra dans une cellule au sol noyé sous les eaux sales d'une canalisation éclatée. Détenu pendant un an, le juriste ne fut jamais autorisé à voir sa famille, ne reçut aucun soin de santé, perdit 20 kilos, puis la vie. Les conditions inhumaines sont créées tout spécialement pour que l'accusé n'ait qu'un désir, avoué au plus vite, écrit Alexei Kozlov, un entrepreneur écroué à la Boutyrka dans le cadre d'une affaire d'escroquerie. En 9 mois, il a perdu 40 kilos. Lui aussi a connu les courants d'air, mais à la différence de Sergueï Magnitsky, il a appris à naviguer en eau trouble. Pour 1000 roubles, 24 euros, le médecin est toujours d'accord pour une visite. Aussitôt après sa comparution devant le juge, il est toutefois transféré dans un établissement de soins. Alors, on commence enfin à prendre sa maladie au sérieux. Apparemment, car il est à peine arrivé qu'on lui déclare qu'il n'y a plus de place à l'infirmerie. Et aucun médecin ne vient le visiter. Pire, il est tabassé par des gardes de la milice. Ses proches en auront la preuve lorsqu'en se recueillant devant sa dépouille, ils observeront que ses phalanges ont été brisées. Ouais. Et il ne tarde pas à mourir. 1 h 18 min après avoir été enfermé dans une pièce minuscule. Et, détail significatif, sa mère apprendra sa mort presque par hasard. J'imagine que les autorités judiciaires n'avaient guère envie de rendre public que ce qui ressemblait à un meurtre. Bien sûr, mais c'est sans compter avec Broder. L'homme d'affaires veut mettre tout en œuvre pour savoir comment et pourquoi son avocat est mort. Oui, et puis, d'après ce que vous avez dit, il a les moyens de faire du bruit. C'est certain. Interviewé par la BBC, Broder accuse. À Moscou, les gens chargés de maintenir l'ordre sont des criminels au pouvoir illimité. L'État russe est devenu aujourd'hui un État criminel. Il va fort. Oui, et rapidement au Kremlin, on commence sérieusement à s'inquiéter. Dès la fin du mois de novembre, Dmitri Medvedev demande une enquête. Les premiers résultats doivent être suffisamment accablants pour que le président russe limoge presque aussitôt le vice-ministre de l'Intérieur chargé de la police fiscale. Medvedev veut vraiment la vérité ? Il en donne en tout cas l'illusion. Parce qu'au niveau des sanctions, le Kremlin va en rester là. Mieux, ou pire, comme vous voudrez, les deux fonctionnaires du fisc qui ont autorisé le pseudo-remboursement des impôts dus par les sociétés d'Ermitage sont recasés au sein d'une agence étatique chargée des ventes d'armes à l'étranger. Oui, c'est plutôt une promotion, non ? Quant à leur patron, Anatoly Serdyukov, un grand copain de Poutine qu'il a connu à Saint-Pétersbourg, il est nommé ministre de la Défense. Le reste est à l'avenant. Les deux flics qui ont procédé aux perquisitions et se sont emparés des titres de propriété non seulement ne sont pas inquiétés, mais ils bénéficient d'une promotion. Et dans le même temps, le parquet relance l'enquête sur les prétendues malversations fiscales de Magnitsky. Si je résume, personne n'est jugé responsable de la mort de Magnitsky ? Si. Deux médecins de l'administration pénitentiaire. Mais ce ne sont même pas les médecins qui ont refusé de soigner l'avocat. Ceux-là sont simplement accusés de négligence. Des boucs émissaires, par conséquent. Ça montre en tout cas que Medvedev, qui semblait si attaché à édifier un état de droit, est impuissant à lutter efficacement contre la corruption. Et d'abord parce qu'il n'en a pas les moyens et que l'homme fort, malgré les apparences, est toujours Poutine. Et c'est Poutine qui protège les mafieux, alors. Poutine qui continue à régner sur tous les services de sécurité. Ouais. Et dont il ne faut rien attendre, donc, en matière de lutte contre la criminalité d'État. Ça me semble évident. Puisqu'on sait maintenant que Medvedev s'est incliné devant Poutine... Mais il n'avait sans doute pas la volonté ni l'énergie pour s'opposer à lui, parce que c'est un véritable pacte qui liait les deux hommes. On en reparlera prochainement, si vous le voulez, même si j'ai quelques doutes. Alors, je reprends. Ce tandem-là, Medvedev-Poutine, n'est-il pas un peu à l'image de ce couple de flics-là qu'on retrouve dans les romans policiers ? Le bon et le mauvais. Oui, l'un qui manie la carotte et l'autre qui manie le bâton. Oui, et tous les deux étant forcément complices lorsqu'il faut faire parler un suspect. Oui, je n'y avais pas pensé, mais la comparaison est pertinente et elle a certainement abusé bien des observateurs des mystères du Kremlin. Mais ne nous éloignons pas trop. Dans le cas très précis de l'affaire Magnitsky, seules des enquêtes indépendantes pourraient faire surgir la vérité. Et dès décembre 2009... une commission civile dénonce le chantage qui a été exercé contre Magnitsky. Un constat relayé par quelques ONG qui dénoncent les mauvais traitements dont sont victimes les détenus provisoires dans les prisons russes. Et ça change quelque chose ? Un tout petit peu, oui. En mars 2010, les autorités judiciaires annoncent que les personnes accusées de crimes économiques pourront être libérées sous caution avant leur jugement. Et si Magnitsky avait pu bénéficier d'une telle mesure, il ne serait peut-être pas mort. On peut le penser. Mais dans la réalité, je ne crois pas que ça va vraiment changer, parce que la loi est rarement appliquée en Russie. Non, je suis persuadé que seules des pressions internationales peuvent donner des résultats. C'est pourquoi William Broder n'est pas du tout décidé à abandonner. Mais dans son intérêt ou pour la mémoire de son avocat? Les deux, sans doute. Et au fond, peu importe, seuls les résultats comptent. Et comment Broder entend-il procéder? Grâce à ses contacts en Russie, il a d'abord établi une liste d'une soixantaine de personnes qui, à un degré ou un autre, ont joué un rôle néfaste dans l'affaire Magnitsky. Et essentiellement des fonctionnaires, donc. Et parmi ces gens-là, il y a du beau monde, oui, un vice-ministre de l'Intérieur, un haut magistrat ou encore un cadre important du FSB. Ouais, ça, c'est le service de renseignement intérieur qui a hérité du personnel et des méthodes du KGB. Et dont Poutine a été le patron avant d'être élu à la présidence de la Fédération de Russie. Ouais. Et après avoir établi cette liste, alors... Broder a pris contact avec deux sénateurs états-uniens, un républicain et un démocrate. Il leur a proposé de déposer sur le bureau du Congrès un texte, le Magnitsky Act, qui deviendra plus tard l'acte pour une Russie démocratique. Mais si ce texte était adopté par le Congrès, qu'adviendrait-il? Les personnages figurant sur la liste noire établie par Broder ne pourraient plus entrer sur le sol américain et seraient même susceptibles de voir leurs avoirs gelés. Une menace très sérieuse. Oui, enfin, qui n'a pas encore été votée. En fait, les élus américains, dont beaucoup rêvent de donner une leçon à cet État autoritaire et antidémocratique qu'est devenu la Russie, ont octroyé un délai au Kremlin. C'est-à-dire prenez vous-même des sanctions contre ces corrompus. Mais si vous ne le faites pas, dans un laps de temps raisonnable, nous voterons cet acte, qui, entre parenthèses, concerne maintenant près de 300 Russes. La Maison-Blanche, si attachée au réchauffement entre les États-Unis et la Russie, peut-elle accepter le vote de sanctions aussi graves? À l'évidence, le président Obama est très embarrassé par cette initiative, d'autant que le Kremlin a déjà prévenu. Si ce texte était adopté, Moscou prendrait de graves mesures de rétorsion et réexaminerait ses accords stratégiques avec Washington au sujet de l'Iran ou de l'Afghanistan. Par conséquent, Obama fait tout ce qu'il peut pour empêcher le vote de cet acte. Mais Broder, décidément très influent, a aussi essayé de persuader d'autres pays. Lesquels? Les États européens. Déjà, le Parlement européen a voté une résolution demandant l'interdiction de visa et le gel des avoirs des Russes de la liste Broder. Malgré les pressions de Moscou et le peu d'empressement de Berlin et de Paris, qui ne veulent pas fâcher le Kremlin. Autre point marqué par Broder. Le comité contre la torture de l'ONU s'est saisi du dossier Magnitsky et enquête. Quant à la Suisse, elle aurait déjà pris la décision de geler plusieurs comptes appartenant à des membres éminents de l'administration russe, notamment celui de la responsable du fisc qui s'est acharnée contre Magnitsky. Qui a donc reçu sa part du magot. Ce que semblerait prouver l'argent placé sur son compte numéroté. Le lobbying de Broder a donc porté ses fruits. Oui, et ce n'est peut-être qu'un début. Pour autant, est-ce que le Kremlin a déjà réagi? Moscou continue à s'entêter et le parquet affirme toujours que la plainte lancée contre Magnitsky était légitime. Et le Kremlin a déjà imaginé des mesures de rétorsion. Il a dressé une liste de citoyens états-uniens qui seront interdits d'entrer en Russie. Qui? On y trouve par exemple les agents fédéraux américains qui ont procédé à l'arrestation en Thaïlande du marchand d'armes, Victor Bout. Oui, Victor Bout qui va être jugé bientôt d'ailleurs aux États-Unis. Alors pour Moscou, ce sont des criminels. Oui, aussi surprenant que cela paraisse. Ouais. Donc la guerre continue entre Broder et le Kremlin. Et une bagarre implacable. Et je crois avoir compris pourquoi. En 2002, l'homme d'affaires avait lancé une croisade contre Gazprom, qu'il soupçonnait de participer à des détournements. Mais dans la Russie de Poutine, on ne touche pas à cette gigantesque entreprise qui est le fleuron de l'économie russe. Et peut-être aussi une pompe à fric pour les hommes du clan. À samedi prochain pour une nouvelle émission consacrée à la Russie et au vrai ou faux duel entre Poutine et Medvedev. Je vous recommande la lecture d'un livre qui vient tout juste de paraître, signé Andrei Soldatov et Irina Borgan. Il s'intitule « Les héritiers du KGB, enquête sur les nouveaux boyards ». Sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca Denant, réalisée par Michel Billou et illustrée par Monsieur Djoub. Et après le flash, c'est au-delà de mon amour de Denis Chessou.